vois ces rivières sous mes yeux, mes prières à ces dieux. J'ai pas vu d'hiver, d'hiver aussi froid, jamais l'enfer d'aussi bas. Allez, bouge ton corps à la gauche et à la droite. Allez, on se tord, on n'est pas des automates. Allez, viens danser, danser coûte que coûte. On n'a pas besoin de doute. Allez, secoue-toi, reste pas là dans ton lit. Qu'est-ce que tu racontes, tout ça tu l'as déjà dit. Mais n'importe quoi, n'importe quelle chanson. Allez, monte le son. Y'a trop de choses dans nos têtes, de nuit sans conseil. Gardez le cœur en faible, le cœur holiday. On est bien n'importe où, c'est ça le soleil. Garde le cœur debout, le cœur holiday. Et quand tu tombes à genoux, garde le cœur en fête. Garde le cœur debout, garde le cœur holiday. Et si la vie te rend fou, même sans le soleil. Y'a trop de choses dans nos têtes, de nuit sans conseil. Garde le cœur en faible, le cœur holiday. On est bien n'importe où, c'est ça le soleil. Garde le cœur debout, le cœur holiday. Et quand tu tombes à genoux, garde le cœur en fête. Garde le cœur debout, garde le cœur holiday. Et si la vie te rend fou, même sans le soleil, garde le cœur debout, garde le cœur holiday. Avec toi n'importe où, Miami ou Marseille. Garde le cœur debout, le cœur holiday. Avec toi n'importe où, Miami ou Marseille. Garde le cœur debout, le cœur holiday. Et quand tu tombes à genoux,